fait plus dans les stories. On fait plus dans les stories, on fait baisser les stars. C'est vrai que le match est horrible, qui tout bien j'crime les stars. On a trop fait les cons, soum, si on doit mettre en paix. Ton match j'ai tiré les pompes, eh. Bientôt t'auras plus besoin d'en mettre. C'est DIM l'ancien, j'respire comme produit dans le sachet. Patate lyrical, si tu goûtes, tu te niques la dent de sagesse. Aïe aïe, si c'est de la zig, boost cap sans classique. On dira jamais tout ici, depuis Catherine j'fais toujours de la zip. Ah y'a pas de galère mon ref, t'as changé depuis les billets. Ça me donne faim, on va tout raser, y'aura plus rien à épiler. Fais-moi voir un peu, j'fais le double, elle crie fort, j'fais le sourd. J'rentre en boîte, c'est VIP, si t'es mineur, fais ton tour. C'est comme ça ma chérie, j'suis débordé, tu veux que j'te réponde. J'crois que j'ai derrière le bif, de calculer, donne-moi la raison. Bim bam, je suis Dracula, c'est crapuleux, toujours en coulot. J'finis les dragibus, j'retourne vider la taille au goulot. Eh, et quand j'remonte les stores, c'est là que j'regarde leur story. La short d'une scène hardcore, et on dit même pas sorry, eh. Y'a que du sale que j'vomis, des potos de moi la précision. J'leur dis qu'on fait que viser le mine, ça me dit certé que la précision. Tic tac, au fond ma place, j'crois que c'était moi l'incompétent. Bim bam, ça garde la classe, toi tu restes incompété. On fait pavé de shit, on fait boulette de C. Si tu fais pas de spice bar, et on trouve pas sa chouette de suck. C'est moi qui gère la rime l'ossa, vous viole dans un mini cooper. Si si pour ton dernier morceau, mais ça reste un menu copieux. Tic tac, le SS perd la tête, de ville c'est camouflé. 08 quand tu pèses, il te reste plus qu'à te moucher. DML, 0 Pécho. 08 quand tu pèses, il te reste plus qu'à te moucher.